mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour, bienvenue sur Démocratie participative, notre podcast hebdomadaire, épisode numéro 13 de cette première saison. Comme à l'accoutumée, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à nous écrire sur notre boîte email. Je vous donne l'adresse immédiatement, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, donc je vous invite à liker la page qui s'appelle aussi démocratie participative. Les vidéos s'y trouvent et c'est évidemment plus facile pour partager avec vos amis sur ce réseau social et évidemment sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous y abonner, comme ça vous serez averti à chaque fois que une nouvelle émission sera publiée. Alors, avant de commencer, je vais présenter nos intervenants. Ils sont nos intervenants réguliers, donc pour certains d'entre vous qui nous écoutez depuis, je sais qu'il y en a, vous les reconnaîtrez certainement. Alors, Derek, comment vas-tu, cher Derek? Ah ben écoute, je suis prêt pour un grand moment de tolérance pour faire avancer l'amour entre les peuples et puis le respect d'autrui. Ah, pas moi alors. Putain, non, pas du tout. Ah, mais c'est pas grave, on va en parler. Bah, et tu vas essayer de me convaincre. Alexis, salut Alex, ça va? Bonsoir. Ça va très bien. Parti également. Alors, on va parler de l'Allemagne aujourd'hui, et toi, tu connais l'Allemagne. Hein. Tu sais de quoi il retourne. Voilà, j'espère donner un petit avis là-dessus. Ouais. D'accord. Et Fulbert, notre camarade belge. Bonsoir à tous. Tolérant, Fulbert, ou alors pas du tout De moins en moins, franchement. Ouais, je sais, c'est dur. Alors, première rubrique de notre émission aujourd'hui. Bon, autisme radical, c'est une rubrique à laquelle je tiens. Le programme est dans le titre. Hein. Alors, premier sujet, chers amis. Là, on va parler du traitement médiatique, évidemment, qui est opéré en France par les médias gouvernementaux, puisque là, c'est de France Info qu'il s'agit. Hein. France Info étant un média public. Alors, c'est une anecdote, parce que c'est une vidéo qui a été faite, un petit reportage qui a été fait cette semaine, par un de leurs caméramans. Et je vous résume les faits. Hein. Donc, c'est une vidéo sur la page Facebook de France Info, donc Radio d'État, qui s'est dotée d'une nouvelle chaîne de télévision. Alors, on y voit une femme en niqab qui dépose des fleurs sur la promenade des Anglais à Nice, le lieu où s'est déroulée la terrible tuerie du 14 juillet. Et donc, elle porte donc un niqab. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un voile qui couvre entièrement le visage. Hein. On ne voit que les yeux, et encore. Donc c'est le voile islamique habituel qu'on a malheureusement effectivement l'habitude de voir dans nos rues, donc qui couvre toute la, tu as le couvre-tête, hein, qui couvre jusque les oreilles, et puis donc tu as le masque devant, tu vois, comme dans les jeux vidéo, tu sais, où tu as les ninjas, donc ça démarre donc juste sous les yeux, puis ça descend pour couvrir toute la face, ouais. Donc c'est interdit en France. Oui, alors on va y revenir sur tous les détails. Je présente juste les faits, ensuite vous pourrez faire toutes les observations. Donc c'est une mise en scène en fait. Hein. Faut bien comprendre, faut voir la vidéo, ceux qui peuvent rechercher sur Internet, sur la chaîne YouTube de France Info, vous pouvez la voir. Donc en fait c'est une femme intégralement voilée qui est sur la promenade des Anglais, donc elle est en bord de mer, elle dépose une fleur, c'est complètement scénarisé en réalité. Et là, sur cette entrefaite, il y a une femme qui est juste à côté, qui l'interpelle, qui dit « Vous n'avez pas l'impression que c'est de la provocation ?» Et s'ensuit un dialogue qui est complètement, qui est filmé intégralement par le caméraman. Alors là c'est le baratin qui est sorti, la tolérance, le truc, et à la fin en fait c'est la femme qui avait interpellé celle qui était intégralement voilée, qui était complètement handicap, qui est sur la défensive et finit par capituler sur tout en disant oui, le respect mutuel, etc., etc. Alors, Fulbert voulait dire quelque chose et discuter de ce truc complètement surréaliste. Oui, bon, moi je n'ai pas vu la vidéo, j'ai juste vu une image. Mais quand je vois cette musulmane qui est drapée dans une tenture noire avec juste une fente au niveau des yeux, je me dis que ça ressemble furieusement à ce personnage que les plus anciens connaissent, qui était une série TV qu'on appelait Belphégor. Vous connaissez ça? Ouais, Belphégor, bien sûr. Ah, ben ce sont des Belphégor. Oui, alors donc. Ouais, donc il y a cette. Alors, le truc qui est. Tu as bien fait de le rappeler, Derek, c'est-à-dire que se voiler le visage en public est strictement interdit par la loi française. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est en situation d'illégalité. Hein. Mais, visiblement, ça ne démonte pas les journalistes qui créent cette situation volontairement. Parce qu'on voit, si vous regardez bien les images, on voit l'ombre du journaliste qui fait des plans, etc. Il fait des prises de vue, des en contre-plongée, etc. Enfin, on voit que c'est vraiment filmé, qu'il recherche des effets. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, c'est une validation par la radio d'État, donc qui vient de se doter d'une chaîne de télévision, d'une pratique salafiste interdite en France. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Alors, c'est non seulement ça, mais c'est surtout tout sauf spontané. Cette scène n'a rien de spontané. On voit sur la vidéo, donc il parle pas, hein, il est là dans le fond de l'action, si tu veux. On voit qu'il y a Rachid Nekaz. Alors peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas Rachid Nekaz. C'est un Algérien. Je crois que c'était un Franco-Algérien à l'origine qui a demandé à donc ne plus être français. Donc maintenant il est Algérien seulement. Et c'est original ça. Voilà, donc c'est un Algérien pété de thunes qui s'est fait connaître depuis la loi sur le voile, sur la burqa en particulier. Donc où on a dit que les femmes voilées intégralement, quoi, dont on ne pouvait pas reconnaître le visage, donc ça n'était pas autorisé. Et donc depuis ce moment-là, qu'il y a eu des amendes qui ont été mises en place, lui a dit chaque femme voilée intégralement qui recevra une amende, je paierai l'amende. Alors c'est pas très légal non plus, mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'être invité sur les plateaux de télévision. Mais là, en l'occurrence, pour la petite scène qui a été filmée qui a été rapportée plutôt, je sais même pas si c'est France Info c'est France Info. Oui, mais peut-être que ça a été filmé directement. Ils ont dit que c'était France 3. Ils ont dit que c'est France 3 qui a fait les images, mais que ça a été diffusé sur France Info. Oui, alors oui, en tout cas, ça a été, c'est une opération de communication. De Rachid Nekaz et de ses associations, en fait, de ses réseaux en tout cas, pour montrer la tolérance, qu'il faut tolérer tout ça. D'ailleurs, la femme d'un certain âge qui interpelle le Belphégor, hein, le ninja, on apprend hein, au cours de la vidéo que bon, celle qui paraît assez française, hein, française de base, quoi, lambda, qu'elle avait un père musulman et que sa mère était juive ashkénaze. Alors on se demande dans tout ça où est passé le français, le français, où c'est qu'il est entre la burqa et la judéo-musulmane. Bah en fait ce qu'il faut savoir c'est que la française en fait c'est celle qui est sous le niqab en fait. Parce que tu apprends dans le reportage que c'est une convertie qui porte depuis 20 ans le niqab. Donc en fait la française c'est la bâchée hein, dans l'histoire. D'accord, ouais, c'est voilà la morale. C'est extraordinaire hein. Voilà, c'est voilà. Il y en a quelques-unes, il y en a un certain nombre. Voilà, une petite remarque ou deux là-dessus, c'est que à Nice juste après les attentats donc le 14 juillet puisque cette vidéo était tournée donc au sujet d'un hommage de fleurs qui sont déposées sur la promenade des Anglais. On nous avait dit donc à ce moment-là, mi-juillet, que il y avait des victimes maghrébines et musulmanes parmi les morts, donc notamment une mère de famille avec ses enfants, etc. Donc comme une des victimes de Rachid Boulel, je crois, ou Mohamed Boulel, pardon. Donc, ça signifiait qu'il ne fallait pas confondre, évidemment, islamisme, terrorisme, et puis d'un côté, et puis islam de l'autre. Il faut absolument distinguer islamisme et islam, et souvent les musulmans sont les victimes des islamistes. C'était le message qui était passé. Et j'ai l'impression que en montrant une personne comme ça, voilée intégralement, qui va déposer des fleurs, cela signifie aussi, voyez, on peut même avoir une pratique radicale de l'islam, être très très croyant ou très très croyante, ou en tout cas le laisser paraître, et puis être tout à fait dans le respect des valeurs de la République ou ce genre de choses, et dans la commémoration avec les morts. Donc c'est encore une fois une manière de brouiller les pistes, de faire accepter l'inacceptable, et puis avec l'idée aussi, ce sera ma dernière remarque, du dialogue. C'est-à-dire, il faut dialoguer, etc. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître, il faut pas en rester à l'apparence. Sous-entendu, on doit accepter même des choses qui contreviennent à la loi, comme le niqab, etc. Et voilà, il faudrait apprendre à se connaître, faire reculer les préjugés. Enfin, c'est le même discours qu'on entend dans les institutions antiracistes traditionnelles, SOS Racisme, ou plus récemment l'association Coexister, par exemple, financée notamment par le milliardaire mondialiste George Soros, dont nous avions déjà parlé un petit peu. Oui, dont on aura sûrement l'occasion de parler. Pour le petit détail, enfin pour l'anecdote, le sur la page Facebook donc de France Info, et elle portait la légende suivante. Donc là, je cite: quand deux cultures se rencontrent sur un lieu de deuil, le dialogue s'installe avec la compréhension. C'est beau quand même. Ouais, fait deux Deux cultures, cultures. deux cultures qui ont quand même en commun un certain degré d'huile, hein. Parce que bon, Oui, on se comprend, on se comprend. Enfin, judéo-musulman et burqa, voilà, ça, non, mais pas on voit très bien, tu français vois, tout où ça. ils veulent en venir, quoi. Tu vois, c'est clairement, enfin, c'est militant, Bah, quoi. on C'est voit très clairement bien. militant. Non, mais le pire étant que la vidéo est montrée comme ça, avec juste des petites incrustations au niveau du texte, aucun commentaire Ouais. journalistique, rien du tout. C'est Il n'y a aucune très, prise de très, très. distance, hein. Ouais, aucune prise de distance. C'est vraiment que tu sois que tu te fasses happer par ça pour, voilà, pour abattre tes défenses immunitaires naturelles. C'est ce qu'on Ouais, c'est appelle ce de qu'on appelle de l'info. l'info. Et ça laisse entendre que dans le futur, il risque d'y avoir beaucoup de lieux de deuil pour vivre ensemble. Alors, je vous invite, hein, ceux qui ont envie de faire l'expérience traumatisante d'ailleurs de France Info, vous allumez France Info, j'ai oublié la fréquence. C'est horrible, mais tout y est. Vous avez l'impression en fait d'être en direct de la place du colonel Fabien. Vous avez l'impression d'être au politburo du Parti communiste. Ouais, c'est aussi simple que ça. Enfin, faites-en l'expérience. Donc voilà, je rapporte cette anecdote parce que c'est révélateur quand même d'un effort de propagande absolument inouï. Non pas de médias privés ou de je ne sais quel média communautaire, mais d'une bonne radio publique financée par les contribuables, sans qu'on leur demande leur avis d'ailleurs. Bon, voilà, ça en dit long. Alors, deuxième sujet de notre rubrique autisme radical. Alors là, on va en Allemagne. Hein, on va en Allemagne, ce qu'il en reste. Et alors là, cette petite nouvelle a fait son petit bruit sur les réseaux sociaux, je pense beaucoup moins dans les médias officiels en France. Des réfugiés allocataires partent en vacances dans le pays qu'ils ont fui. Alors, je vous donne des détails. Le journal allemand Die Welt am Sonntag révèle que des personnes réfugiées en Allemagne, réfugiées entre guillemets naturellement, bénéficiaires d'allocations, feraient des séjours dans leur pays d'origine. Selon une enquête de l'hebdomadaire allemand, des réfugiés enregistrés en Allemagne, à ce titre bénéficiaires d'allocations, feraient de courts séjours, donc dans leur pays. Sont concernés la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, entre autres. Autant de pays dont certains ressortissants obtiennent le statut de réfugiés en Occident compte tenu des dangers, ben je cite hein, le journal, hein, et des persécutions dont ils pourraient être victimes en y vivant. Des pays où les consulats occidentaux recommandent de ne pas se rendre, sinon pour des raisons d'extrême urgence. Alors là, je recueille vos réactions à chaud. Qui veut commencer? Première chose d'abord, c'est donc Die Welt qui a révélé l'information qui a été reprise sur d'autres médias, mais Die Welt c'est pas du tout un journal nationaliste, donc c'est une source autorisée, on va dire, parmi nos ennemis. Et puis autre chose, voilà, donc on voit que ça crée un problème parce que normalement on a le droit d'avoir des vacances quand on est locataire d'aide sociale. En Allemagne, on a le droit à être absent 21 jours sur une année. Or, normalement, les autorités n'ont pas le droit de demander où partent les personnes. Elles peuvent et doivent demander quand partent les personnes. Donc, les personnes doivent dire, voilà, je m'en vais, mais je suis absent de telle date à telle date. Ben là, on n'a pas le droit, normalement, de demander où vont ces ces personnes. Alors qu'évidemment, c'est une question essentielle, parce que soit, de deux choses l'une, soit ces pays sont complètement ravagés par la guerre, si tel est le cas, alors pourquoi rentrer dans son pays, alors qu'on est réfugié, soi-disant, ou alors, pour le cas de l'Afghanistan, par exemple, finalement, ces pays seraient peut-être relativement vivables, où les gens ne seraient peut-être pas tant que ça en danger de mort, et dans ce cas-là, les vacances seraient possibles. Donc là encore, c'est une des preuves du fait qu'on nous mène complètement en bateau, si Bah j'ose c'est dire. surtout comment dire, la façon dont ces gens-là usent et abusent du truc. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se cachent même pas, en réalité. C'est le self-service. Et c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de difficultés, parce qu'ils nous ont quand même, enfin, faut se remettre dans le truc. Je veux dire, il y a un an, exactement un an, on nous présente, on nous fait tout un tintamarre avec soi-disant un Kurde, un gamin kurde noyé sur une plage turque, pas occidentale, hein, turque. Donc c'était de la responsabilité des Turcs, faut quand même le souligner, de laisser partir volontairement des bateaux vers la Grèce, faut quand même le dire. Bon, on nous présente ça, on nous dit mais ils fuient la guerre, ils sont persécutés, c'est des réfugiés syriens. Alors au début ils étaient syriens, après ils ont commencé à devenir kurdes, on savait plus trop comment. Puis soudainement on a commencé à avoir des Syriens qui avaient des gueules de Soudanais, puis des Afghans, des Algériens qui on comprenait plus rien. Et en fait on était en train de découvrir que cette énorme escroquerie des soi-disant réfugiés était en fait un moyen de faire accepter des millions et des millions de migrants du tiers-monde, que ce soit des Africains, que ce soit des Orientaux ou des Asiatiques, fallait tous les faire venir. Et on se rend compte que les mecs sont des resquilleurs nés, des truqueurs, etc. Et c'est vrai que bah, leur petit, j'allais dire, leur petit conte de fées qui était raconté pour faire pleurer dans les chaumières, bah, a pris du plomb dans l'aile hein, quand même, entre les viols, tout ce qui s'ensuit, ouais, c'est. Ah non, mais ils ont des besoins financiers, sans travailler, bien sûr, ils ne travailleront pas, hein, c'est évident. Ils ont des besoins scolaires, alors il faut quand même que les enfants soient scolarisés, il faut que, il faut que, donc ils ont des besoins alimentaires, on pourra parler de la police allemande, de la Bundeswehr, qui a vu son budget dépasser de 435 millions environ pour des policiers qui apportent des repas aux clandestins et puis qui aussi qui font taxi gratuitement évidemment pour ces gens-là. Donc c'est la catastrophe. Ces migrants ont des besoins sexuels comme tu l'as rappelé, quitte à évidemment forcer les jeunes femmes autochtones. Hein, c'est le goût de l'aventure, de l'exotisme. Donc tout ça c'est répugnant. Ce sont des populations qui ne s'intégreront pas, c'est certain. Derek, tu veux dire quelque chose? Ouais, juste petite, comment dire, quelque chose qui est marrant de noter, hein, c'est que ça ressemble très fortement à ce que font déjà nos Maghrébins, hein, qui sont là depuis des dizaines d'années, qui, lorsqu'ils sont au chômage, qui touchent toutes sortes d'allocations, etc., etc., vont au pays, chez eux, hein, donc, parce qu'effectivement, chez eux, c'est au Maghreb, c'est pas chez nous. Et ils touchent ça tous les mois, le chômage, les allocations familiales, allocations parents isolés, et que sais-je encore. Donc les migrants fraîchement arrivés, comme par hasard, ils ne viennent pas tout à fait du même endroit, c'est pas trop l'Algérie ou autre, hein, c'est le Moyen-Orient, mais ils ont déjà pris le pli, hein, c'est bien. C'est une belle forme d'intégration, Ouais, c'est non, mais c'est surtout que c'est une belle forme de cohésion culturelle parmi ces populations venues nous enseigner l'islam et ses lumières. oui, il faut dire aussi que bon, moi je ne défends pas les migrants qui sont effectivement des parasites, hein, comme ça a été dit peu avant, mais il faut aussi voir, il faut surtout pas oublier qui les fait venir, qui en parle, qui cache nombre d'informations. Je voyais encore tout récemment la porte-parole de la Commission européenne, si je ne m'abuse, qui s'appelle, c'est une Italienne, hein, pas une négresse, hein, non, non, non, non, une blanche, qui s'appelle Federica Mogherini, et qui a fait une déclaration au sein de la députation en disant, voilà, au vu des récents événements des accrochages à gauche, à droite, hein, en Europe, il faut absolument continuer cette politique. Il faut plus de migrants. Bon, je vous passe les détails parce que c'est de la. Vous avez compris. Mais ça insiste pesamment à tous les niveaux et au niveau national aussi, hein, dans tous les pays. Donc, il ne faut pas oublier que nos dirigeants organisent le parasitage, la mise à sac de l'Europe et le parasitage des populations. Ah, Mogherini, ouais, Mogherini. Bah, c'est une socialiste, hein, Mogherini. Comment dirais-je, elle est, on, elle a, J'ai eu l'occasion de la voir avec Cambadélis Ellis faire des grands discours contre le racisme et la xénophobie en Europe. Il fallait mettre des programmes en place. Et ces gens sont des. Ouais, ils sont. Je pense qu'on en parlera. Il y aura sûrement une occasion de venir sur ces gens-là en particulier. Ils se distingueront bien encore dans le futur. Alors, bon, on va passer au troisième sujet donc de cette rubrique autisme radical, toujours en Allemagne. Toujours en Allemagne. C'est une déclaration d'Angela Merkel. C'est plus qu'une déclaration d'ailleurs. C'est une politique, un rappel à l'ordre. La chancelière allemande, hein, cette grosse outre, a appelé les grands patrons qu'elle a convoqués et elle leur a donné une consigne très claire, qui est la suivante. Embaucher des réfugiés et vite. Donc, schnell, hein, schnell, schnell. Donc, ça, c'est la consigne qu'elle a donnée pas plus tard qu'hier, à Berlin, parce que le constat est le suivant. Avec ce million et demi de migrants dont on parle, seuls, officiellement, hein, seuls 152 ont été recrutés par des sociétés comme Dax, et environ une autre, enfin, et quelques autres centaines ont été recrutés par la poste allemande, la Deutsche Post. Donc, en gros, les migrants, personne ne peut les utiliser, ils sont inutilisables. Généralement, d'ailleurs, ils sont, comment dirais-je, ils sont pas formés, ils sont illettrés, analphabètes et autres. Mais peu importe, Angela Merkel a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Là, il faut quand même dire que le parti identitaire, le parti anti-immigration, AfD, donc Alternative pour l'Allemagne, a fait un score très important, je crois que c'était en Poméranie, hein, dans l'Allemagne de l'Est. Ouais, et ils ont fait 20%, je crois, ils ont dépassé 21%, ils ont dépassé le parti d'Angela Merkel. C'était un sérieux avertissement pour Merkel, puisque c'était, je crois, son bastion électoral personnel, je crois. Me semble-t-il que c'est le secteur où elle évolue. Bon, bref. Alors, cette consigne-là d'Angela Merkel d'embaucher des migrants en direction des grands patrons. Qu'est-ce qu'on s'en Non. dit? Moi, ça me fait de suite. Donc, tu m'as dit combien? Centaines, quelques centaines à peine qui ont été embauchées. Officiellement. Alors, 152 officiellement. D'accord, dans 152 officiellement. Par Ok. les grandes sociétés de la bourse allemande. Ouais, Voilà. bon, bah, à la limite, même si tu prends les petites, etc., ça, je crois pas qu'on arrive au millier, quoi. Hein. Ok, d'accord. Donc, tous ceux qui nous parlent enfin, qui sont en tout cas contre. Tous ceux qui sont contre l'immigration, comme clandestine, illégale, ce que tu veux, comme quoi, voilà, c'est pour faire du dumping social. Enfin, c'est surtout pour ça. Hein. Bon, c'est vrai que ça existe, hein, on est d'accord. Mais là, non, c'est pas le cas, quoi. Hein. Clairement, les mecs, donc on les fait venir, on ne sait pas quoi en faire. Voilà, l'angle économique n'est pas bon, quoi, pour s'attaquer à l'immigration. C'est quand même mieux d'y aller par le côté identitaire. Alors l'ONU a souligné que c'est des chiffres. Alors bon, l'ONU, hein, ils disent que l'Allemagne devrait accueillir par an 500 000 migrants jusqu'en 2050 pour faire face à ses besoins en main-d'œuvre. Voilà, Ouais. 500 000 On nous dit. migrants par an pour être bien sûr d'être semblable à la Somalie ou l'Éthiopie. Voilà. Voilà. Parce Et que pour le principalement. triomphe de l'économie allemande, qui évidemment, avec des Afghans, des Soudanais, des Congolais, des Algériens, va immanquablement tenir la ligne, et c'est à peu près inévitable, on est tous d'accord, hein. Ah bah ils C'est une grande resteront les politique, ça. premiers exportateurs du monde, sans doute très très longtemps, avec de telles populations. Là, ça va booster, vraiment. Parce que jusqu'à présent, les populations qu'ils faisaient venir ou qu'ils autorisaient à venir, c'était les Turcs, des gens d'Europe centrale, un petit peu d'Europe de l'Est, des Balkans, etc. Donc un certain nombre de gens globalement avec soit une volonté d'intégration par le travail pour des raisons économiques, avec une partie de l'argent qui était envoyé en Turquie. Donc ça, c'est les Turcs qui restent très communautaires. Mais relativement intégrés par des formes de travail manuel, peu diplômés souvent, même pour ceux qui restent en Allemagne. Mais là, et donc les gens de l'Est aussi, avec des intérêts économiques en général bien affirmés, mais qui s'intégraient aussi correctement à la vie. Là, par contre, on a affaire à une autre population qui n'a, semble pas, intérêt à quitter son statut de réfugié pour ceux qui en bénéficient. Et là, ce sont des populations totalement à charge qui sont aussi dispatchées. On parlera sans doute tout à l'heure du fait d'essaimer les gens de Calais. les clandestins de Calais. Et en Allemagne, c'est le cas déjà. Dans les campagnes, il y a pas mal de gens du Moyen-Orient. C'est une catastrophe et c'est pas demain la veille qu'ils vont être un booster économique. Non, pour le moment, c'est plutôt un boulet économique. Parce que ça coûte des milliards d'euros d'accueillir des millions et des millions de gens comme ça qui sont complètement improductifs. C'est évident, quoi. Parce que déjà même, enfin, c'est évident que ces gens-là sont. On ne peut pas. Enfin, imaginons, on se met dans la perspective de les mettre au travail. Mais ces gens ne parlent pas la langue. Ils n'ont aucune formation de quelque nature que ce soit. Comment voulez-vous les intégrer dans une machine économique? Donc, les types sont, enfin, c'est juste impossible. Et en plus, je veux dire, j'allais dire, là, comme ça me rappelle le proverbe, persévérer diabolique, hein, persévérer diabolicum. C'est que il y a combien d'exemples en Europe de l'Ouest, après 40 ans ou 50 ans d'immigration massive, d'une intégration, d'une assimilation de populations africaines, subsahariennes ou qu'elle soit orientale, qui ne fonctionne pas. Donc, ce qui n'a pas été possible pendant 40 ans, alors que c'est la troisième génération, parfois la quatrième, qu'ils ont été à l'école publique, qu'ils ont reçu une instruction et que ça ne fonctionne pas. Comment imaginer, enfin Merkel est complètement folle. Enfin, comment imaginer qu'un Afghan qui vient de son pays va soudainement, au bout d'un an ou 2 ans, devenir tourneur fraiseur? Enfin, c'est complètement fou, quoi. Enfin, c'est elle est folle, quoi. Et je ne sais même pas comment le patronat allemand accepte de se prêter à ce jeu-là, comme visiblement ils y ont été contraints. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Hubert, tu Oui. voulais parler d'une anecdote à Dresde, je crois, qui s'est passée. On va sur l'Allemagne, hein, Oui, mais justement, c'est dans la lignée, parce que il y a eu un événement qui s'est produit, je pense que c'est avant-hier soir, à Bautzen. Bautzen, c'est une petite ville de 41 000 habitants qui se trouve à 50 ou 60 km à l'est de Dresde, à la limite des Länder de Saxe et du Brandebourg. Et il s'est passé un incident que la presse ne rapporte pas. Quand je dis la presse, je parle de la presse allemande parce que côté français, il y a peut-être, mais j'ai rien vu. Côté belge, je n'ai vu qu'un seul article, mais vraiment, c'est presque un entrefilet. Et il s'est passé à peu près ceci, c'était en soirée. Il y a eu une vingtaine de migrants qui ont fait du potin, ouais, pardon, qui ont fait du bruit dans la ville, mais je ne sais pas quel bruit, ce qui a amené des jeunes Allemands à réagir, tellement, ça fait tellement de bruit que d'autres sont sortis de chez eux, et finalement, la vingtaine de migrants à l'origine de l'incident se sont retrouvés avec 80 Allemands sur le dos, et ça a commencé à bastonner, évidemment. Alors, la police a dû intervenir pour séparer les deux côtés, et finalement, cette même police, cette même polizei, s'est retrouvée occupée à essayer de maîtriser les 20 trous du cul, pardon, les 20 Non, migrants, non, t'en fais pas, t'en fais pas. plutôt que les autres. En fait, les migrants étaient complètement isolés et ils allaient subir un très très mauvais quart d'heure, quoi. Naturellement, dans le peu d'articles que j'ai vus, on parle tout de suite de gens d'extrême droite, Ah oui, etc., ah oui. etc. Ce qui fait dire à quelqu'un sur Facebook que, quoi, ce sont des gens d'extrême droite, mais alors que Dieu bénisse l'extrême droite. Bah, Et on parlait c'est-à-dire que des maintenant, si tu coûts. veux, quand tu veux survivre, en fait, t'es un mec d'extrême droite, quoi, ou t'es un nazi. Donc, je veux dire, on va se retrouver un certain moment avec l'alternative suivante, c'est soit tu acceptes de crever sous les oukases de, comment dirais-je, des primitifs de gauche, des belles consciences là, de la grande bourgeoisie qui entre nous soit dit, elle n'est beaucoup trop fin pour se situer à plus de quelques kilomètres d'un migrant, hein. Ou bien d'être qualifié de nazi, etc. Alors, je sais pas si c'est très malin de présenter les choses comme ça, parce qu'il pourrait se retrouver avec des surprises. Tu voulais dire quelque chose, Alexis? Oui, sur le fait que donc il y a une montée effectivement de l'AFD qui est un parti qui s'est créé récemment, départ sur les questions monétaires de l'euro, mais qui s'intéresse à la question migratoire et qui s'oppose à la déferlante migratoire. Mais justement, c'est un parti créé récemment qui fait de bons scores, malgré il y a une fraude qui a été avérée. Là, on verra si ça aura des conséquences. Mais lors du dépouillage des bulletins, il y a eu des bulletins de vote. Il y a eu des bulletins mis de côté en défaveur de l'AFD. Donc ils ont devancé la CDU, parti majoritaire évidemment, parti d'Angela Merkel, mais parti donc récent, parti qui a du succès, qui a été défavorisé dans le dépouillage par fraude. Et là, on a appris aussi que Frauke Petri, qui dirige ce mouvement, sa voiture a été incendiée dans la ville. Donc semble-t-il, ça dérange certaines personnes. Bah, c'est pas étonnant. C'est intéressant parce que l'Allemagne, c'était vraiment le, je veux dire, c'était vraiment le désert des Tartares, de l'éveil nationaliste et identitaire. Et il semble que là, bon, ils rattrapent vite leur retard. C'est peut-être dans la nature allemande d'être un peu soupolet, je ne sais pas, mais ils se rattrapent bien hein, parce que là, maintenant, ils sont en train de solidifier un niveau, on va dire, de 20%, entre 15 et 20%. Là, c'est quand même intéressant hein, de voir ça. Bah, disons que là, la dose de vaccin qu'ils reçoivent depuis 2 ans, oui, Ah oui. ça fait quelque chose, oui. Ah et puis en plus c'est pas les c'est oui c'est pas les meilleurs hein. Là ils ont quand même Non, mais les coûts enfin sont de. Pardon, mais tu parlais des milliards que coûte l'immigration en Allemagne comme en France. Bien sûr, et par exemple la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF allemande, là les employés sont formés au sport de combat, on commence à les armer, on leur donne des bombes lacrymogènes ou des bombes de défense, et des sprays, comme on dit, enfin, j'ai oublié le terme. Et donc voilà, ça a un coût de formation, de. Évidemment, qui sont liés à, on le sait, aux agressions qui ont lieu dans les trams, dans les trains, etc. Des agressions d'ordre sexuel notamment. Et voilà, c'est des coups qui s'accumulent, un climat de peur qui s'installe. Et voilà. Et puis certains gauchistes vont nous dire que c'est l'extrême droite qui crée la peur. Ah bah oui, Bien bien sûr, sûr, hein, bien sûr. les chemises brunes hein, dans les rues d'Allemagne, il y en a par Bah, millions. pour rebondir ce que tu disais sur les coûts indirects, c'est assez marrant parce qu'après chaque attentat, alors c'était Charlie Hebdo, et conneries comme ça, quoi, à Nice ou autre, pendant 2 3 semaines, dès que tu vas dans un commerce, tu as souvent le vigile, tu vois, il se paye un vigile. Même d'ailleurs, là, quand tu fais des manifestations culturelles, j'ai appris ça. Pas très loin de chez moi, une petite association, tu sais, qui fait une fête de village. Et la fête de village n'a été autorisée que s'ils embauchaient trois vigiles pour faire la sécurité. Et bien entendu, les vigiles, la plupart du temps, quand tu te rends sur place, ce sont des Arabes, hein. Donc c'est bien, une Ah belle bah ouais, manière mais de faire là, en tourner fait, l'économie, quoi. ouais, c'est-à-dire qu'en ouais, voilà, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça me rappelle un petit peu l'anecdote avec le maire là de j'ai oublié je sais plus. C'était la semaine dernière. C'était une commune là, où avait été interpellée, vous savez, la bande de djihadistes qui voulaient faire exploser des bombes de gaz à Notre-Dame. La vie Et du vivre ensemble. le maire avait dit. L'adresse d'un passant qui faisait observer qu'effectivement les socialistes avaient voulu l'immigration de masse et que maintenant ils l'avaient et que la catastrophe était inévitable. Le maire avait fait observer que les policiers étaient des Arabes et qu'ils veillaient sur la population. Donc en fait, ça m'avait fait évidemment rigoler puisque en substance, dormez braves gens puisque les bougnoules nous sauvent des bougnoules. Voilà, c'est en gros le projet. Donc ça marche C'est aussi pour les vigiles, hein, voilà. grosso modo ce qui pouvait se dire avant la chute de l'Empire romain d'Orient, quand tu devais avoir des populations chrétiennes qui se disaient, mais attends, qu'est-ce que c'est tous ces musulmans dans l'armée, etc. Mais là, comment ça, ils vous protègent? Bon, ouais. La Allez, cinquième colonne cinquième colonne. n'existe pas, voyons, le débat n'est pas ethnique. Ah oui, le débat, Ah oui, le là, débat est là. on va y venir, monsieur. Bon, on passe à la rubrique La rubrique suivante, suivante. deuxième rubrique, la gauchiasse de la semaine. Alors bon, c'est en passant, c'est vite fait, mais enfin, ça m'arrive comme ça, des fois je tombe sur un client particulier, qui s'est distingué, qui était meilleur que d'habitude, et cette semaine, bon, c'est quelqu'un quand même qui a fait ses preuves, hein. C'est Dominique Sopo. Dominique Sopo, vous le connaissez, hein, le président de SOS Racisme. relayé sur France Info, tiens donc. On en parlait en début d'émission. Je le cite, hein, c'est une phrase, une citation. Il n'est pas admissible que des personnes défilent dans un quartier maghrébin au cri de « On est chez nous ». Alors, qu'est-ce que ouais, ça... Oui, mais quelle ça... personne, quelle personne. Si des maghrébins... Ah bah des blancs. Si des maghrébins dans un quartier maghrébin disent « On est non. chez nous », là c'est admissible par contre. Voilà, bah non, c'est un combat antiraciste. C'est-à-dire que si des maghrébins, si des maghrébins défilent dans un quartier blanc au cri de « On est chez nous », c'est un combat antiraciste, d'accord ? Si des blancs défilent dans un quartier maghrébin au cri de « On est chez nous », ça c'est du racisme. Est-ce que tu comprends la nuance ? Moi, bah, j'ai un petit peu de mal, mais oui, je vois... Un petit peu, bah, je pense que ça dépend de ton taux de mélanine. Si tu as le taux de mélanine qu'il faut, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire en réalité. Ah, il faut avoir un doctorat en géométrie variable pour comprendre ce genre de double discours. Oui, bah, président de SES Raciste, c'est son fonds de commerce. Hein, c'est-à-dire que... Enfin bon, enfin, ça m'a fait marrer. C'est... Mais enfin, Dominique Sopo, il se bouge, hein, le mec. Il faut dire que son association a fondu. Bon, déjà, sur le marché de l'antiracisme, maintenant, il y a quand même. Je veux dire, il y a plusieurs fournisseurs hein, quand même. Maintenant, il y a que l'embarras du choix. Ouais, ils se sont fait rattraper par tout ce qui est collectif contre l'islamophobie et compagnie. Ouais. Donc par toute la nébuleuse des frères musulmans. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu à la traîne maintenant chez les populations métèques diverses et variées. Qu'on peut trouver dans les bon, c'est une création du Parti Socialiste, donc je pense que là, ils vont quand même nous la resservir. Et de l'UJF. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, et ce machin, je présume, à la faveur des élections présidentielles, va, comme par hasard, avoir accès à des très grands médias français, et là, on va pouvoir voir la gueule visqueuse de Dominique Sopo répandre ses insanités. Parce que bon, il y a une surenchère maintenant. Hein. Vous avez les indigènes à la République, vous avez le collectif contre l'islamophobie en France, la LDH, etc. Alors bon, là, vas-y que je te. Bon, il y a la course à l'échalote, donc je pense que ce racisme va devoir mouiller le maillot, et donc ça commence fort, hein. Rentrée assez tonique pour notre ami Dominique Sopo. Hein. Voilà, c'est la petite minute gauchiasse. Voilà. Qui était sous le haut patronage de Bernard-Henri Lévy, bien sûr. Dans son livre L'idéologie française, disait bien sûr détester l'esprit bourré, l'esprit bignou, toute cette France rabougrie, n'est-ce pas? Oui, et le folklore yiddish aussi. C'est... Tout ça, c'est le terroir. C'est mauvais tout ça, c'est mauvais. Il faut être cosmopolite. Hein troisième rubrique. Alors là, c'est pas vraiment une rubrique en tant que telle, c'est en fait, j'avais envie qu'on parle d'un sujet, je pense, assez chaud, et qui va pas manquer de nous intéresser dans les mois à venir, parce que bon, et on est dans la dernière ligne droite des présidentielles 2017, hein, faut quand même le voir, et c'est le Front National. Alors le Front National, visiblement, et là je sais que j'ai des gens qui sont pas d'accord avec moi ici, dans notre émission, mais ça va être l'occasion de le détailler, semble évoluer de plus en plus vers la gauche, ou en tout cas d'avoir un ton beaucoup moins dur sur l'immigration et sur l'islam. Première apparition de Marine Le Pen, qui était à la diète médiatique, hein, elle a fait une diète médiatique pendant de longs mois, c'est la rentrée, elle fait savoir qu'elle est impatiente de commencer la campagne, et elle intervient sur LCI, voici ce qu'elle dit, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Depuis plus d'un siècle, nous vivons en France notre laïcité de manière tout à fait sereine. Donc ça, c'est première. Voilà. Ça n'était pas dans le débat public, parce que personne ne contestait que la France a des racines chrétiennes laïcisées par le siècle de Lumière. Bon, voilà, c'est une première affirmation. Et là, ensuite, elle enchaîne. Moi, je crois, enfin, quand on lui pose la question de savoir si l'islam était compatible avec la République. Donc ça, ça a été formulé comme ça. Moi, je crois que oui. Réponse. Un islam tel que nous l'avons connu, laïcisé, tel que nous l'avons connu, laïcisé par les Lumières comme les autres religions, disant, donc, lutter contre le fondamentalisme islamiste. Donc, elle distingue, elle dit oui, l'islam est parfaitement compatible avec le public, à la condition que ça soit vécu de façon apaisée, légale, etc. Le problème, c'est le fondamentalisme musulman. Et elle enchaîne, attention, parce que ça devient trapu, là. Je ne définis pas la France par une couleur de peau. Je mets sur le même plan, ceux qui veulent imposer une France métissée et ceux qui veulent une France blanche. Le critère racial ne fait pas partie de la définition de la France. Donc ça, c'est ce qu'a dit notre présidente du Front National, prenant d'ailleurs en cela à rebrousse-poil en quelque sorte Nadine Morano et aussi Robert Ménard, qui se sont fait fort de rappeler la fameuse citation de De Gaulle sur les origines de la France, les origines raciales et religieuses de la France. Donc visiblement, pour Marine Le Pen, c'est très clair, hein. Le critère racial, ça n'existe pas, ça n'est pas intéressant, que ce soit pour vanter une France métissée ou que ce soit pour être nostalgique, entre guillemets, d'une France blanche. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce ton de Marine Le Pen? C'est sa rentrée médiatique et ça commence comme ça. Je vois qu'elle a voulu se distancer de son père dans les mois, ouais, depuis un an ou deux, hein. Ça est bien caché. Force est de constater qu'elle revient aux errements de la campagne de 2007 du Front National. Hein. On se rappelle où Le Pen était allé dans les banlieues, voilà, faire son petit show, hein, rappelant qu'il voulait bien, qu'il avait fait entrer le premier député musulman au Parlement, etc., etc. Bon, on se rappelle les scores que ça a eu en 2007. Je vois pas pourquoi il en serait différent en 2017. Hein. Alors là, je veux l'avocat du diable, parce que dans les sondages, elle est très élevée, elle est à 30%. D'aucuns diront que de toute façon, ceux qui veulent voter contre l'immigration votre Front National, ne voteront pas UMP. Donc, en fait, certains disent que finalement, elle a raison d'approcher de son élection présidentielle sur ce ton. Enfin bon, c'est quand même, elle a des formules. Hein. Alors, elle dit par exemple qu'il faut qu'il y ait des rapports apaisés avec l'islam. Ouais, alors tu as dit qu'on était dans la dernière ligne droite de la présidentielle. Je crois pas qu'on soit dans la dernière ligne droite, ça commence à peine. Hein. Dans la dernière ligne droite du mandat actuel, et disons qu'on va rentrer dans la campagne présidentielle. Oui, enfin, on entre dans la campagne, et là, effectivement, les différents protagonistes se placent, hein, au niveau de leur discours. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire après, c'est pas à nous de le dire, hein, mais le fait est qu'au niveau discours, par rapport à une certaine partie de l'UMP, ça reste quand même bien, bien décevant, quoi. Donc après, il ne faudra pas se plaindre quand des régions traditionnellement des régions qui ne sont pas sujettes à accepter le vivre ensemble, etc., etc., hein, comme dans en province de la Côte d'Azur, par exemple. Hein. Faudra pas se plaindre quand ces gens-là iront voter, comme d'habitude, massivement pour les candidats, les républicains. Non mais, c'est pas parce qu'il y a des déclarations. Je veux dire, moi, je pense que oui, il y a des déclarations, il y a la tactique, mais attention, là, on est quand même sur des prises de position qui engagent, dire, en termes de valeurs et en termes d'idées. Il y a la tactique, puis ensuite il y a les convictions profondes. Alors certains pourront m'objecter que Marine Le Pen n'a pas de convictions profondes, ou alors que ses convictions sont des convictions de gauche, je ne sais pas, mais certains le pensent. Mais quand elle dit je ne définis pas la France par une couleur de peau, c'est une position politique, et ça veut dire que pour elle, de fait, les réalités raciales, ethniques, qui tous les jours se manifestent comme, j'allais dire, l'enjeu central. C'est évident, je veux dire, c'est clair. Vous n'avez pas de djihadisme, vous n'avez pas de revendications islamiques de type communautaire ou autre, si vous n'avez pas une immigration qui vient du Moyen-Orient. Donc déjà, le fait de dire ça n'existe pas, etc. Moi, ça m'interpelle. Mais on pourrait dire oui, mais bon, elle va pas avoir des positions très radicales. D'accord. Imaginons qu'elle cherche une forme de consensus, mais ça n'empêche pas d'avoir des convictions à minimum. Et surtout, quand elle fait l'équivalence entre les militants de la France métisse et les militants de la France blanche. C'est-à-dire que les autochtones qui se défendent et qui pensent vouloir défendre finalement la France telle qu'elle a toujours existé, c'est-à-dire la France européenne, la France blanche, sont, j'allais dire, aussi détestables, sont aussi peu français quelque part que les idéologues du genre Attali, Bernard-Henri Lévy, et tous ceux qui ont créé ce logiciel de la France métisse. Moi, je veux dire, quand on fait une équivalence de cette nature, sans qu'on vous la demande d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui engage. Et moi, je dirais que... Bon, moi, au niveau de ce que pense vraiment Marine Le Pen, j'en sais rien. Ce que pensent ses conseillers non plus. Par contre, là où je vois une faute assez grave, c'est qu'effectivement, donc elle met d'un côté la France métissée et la France blanche. Bon, à la limite, elle aurait pu sortir de cette opposition-là en se mettant à taper sur l'islam, donc, qui est la religion de majorité hein, d'extra-européens. Hein. Et en tout cas, se questionner là-dessus, il ne peut pas dire ça à une place, et voilà, dire je ne sais pas, voilà, l'islam, quand même, il y a des trucs un peu bizarres, tu vois. Jouer sur l'ambiguïté, là, avec cette sortie qu'elle a fait, elle peut même plus jouer sur l'ambiguïté pour faire front un petit peu contre l'invasion. Donc, c'est où ça va nous mener, tout ça. Je sais pas, mais ça va pas l'air très clair. En fait, elle a perdu de vue, je crois, ce vieil antagonisme des peuples qui voit dans sa société un aspect du pays réel, c'est très connu, c'est pas nouveau, et du pays légal. Il y a des tas de gens qui ont invoqué ça à d'autres périodes de l'histoire. Elle a glissé vers le pays légal en optant plus pour la République que pour la France en tant que telle. C'est ça le gros problème. Bon, moi j'ai un double espoir en envisageant cela, en constatant cela, que je ne vais pas exposer ici, mais dans un premier temps, ça risque de coûter très cher au pays et au peuple. Oui, on pourrait dire aussi autre chose. Par exemple, elle dit que la laïcité a été bien vécue en France pendant longtemps. C'est faire fi de l'opposition grave entre la laïcité républicaine voulue par la République jacobine et l'Église catholique. Parce que c'est vrai que la laïcité était une machine de guerre contre l'Église catholique il y a un siècle environ. Mais justement, elle dit oui, la laïcité, il faut rétablir la laïcité qu'elle utilise désormais contre, on va dire, certaines formes d'islam ou d'islamisme. Et là, elle fait le distinguo très clair entre islam et islamisme. Et oui, c'est une stratégie qu'on peut évidemment contester. Elle pense peut-être déjà jouer son second tour et répondre aux arguments qui vont viser à la diaboliser. Donc c'est la continuité d'une forme de dédiabolisation avec le skieur Philippot, un zéro dérapage, on ne peut pas lui reprocher ça. Et oui, une stratégie de mollesse aussi, avec la volonté peut-être d'apparaître comme une personne qui a une stature présidentielle. Oui, comment dire, le propos de Schubert est lumineux. J'ai beaucoup apprécié cette observation à propos du pays légal, du pays réel. Qu'on pourrait résumer, en fait, est-ce qu'on parle de la France comme réalité charnelle, comme réalité culturelle, comme réalité historique, ou est-ce qu'on parle de la forme du régime ou du régime lui-même, c'est-à-dire la République et ceux qui en vivent, ceux qui la défendent aussi. Parce que j'ai l'impression que il y a, c'est même pas une impression, c'est un fait, que les médias et que les gouvernants et l'élite dirigeante fait un glissement en permanence en appelant à la fidélité sans arrêt à la République et en évacuant complètement la réalité de ce pays réel, justement, dont parlait Fulbert. Et donc, on demande effectivement alors de positionner certains éléments par rapport à certains autres. Et on se retrouve aujourd'hui avec un débat très curieux pour dire, voilà, alors est-ce que l'islam, bon, qui est une civilisation, une religion, est-ce que c'est compatible avec la République, la forme du régime, etc. Mais c'est pas le sujet. C'est est-ce que l'islam comme culture et les populations qui portent l'islam sont compatibles avec la France comme pays et comme peuple fondamental. Et c'est la question qu'on ne pose pas. Et Marion Maréchal Le Pen, interrogée sur la même question cette semaine, a dit la même chose. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que l'islam est compatible avec la République? Réponse de Marion Maréchal, je pense que ça peut l'être. Alors, évidemment, avec des nuances, oui, mais pas toutes les lectures, etc. Alors, donc, le parti de résistance officiellement à l'immigration, le parti nationaliste ou le parti de défense, j'allais dire, des intérêts les plus fondamentaux de la France, sans faire dans des débats de savoir si, en gros, l'islam est compatible avec l'éloge maçonnique de la Troisième République. C'est pas du tout l'enjeu au plan historique, c'est pas du tout le sujet. Et quand tu vois donc Marion Maréchal Le Pen donc faire cette sortie-là, tu te dis qu'il y a eu des consignes. Parce que ce qu'elle dit depuis, bon, ça c'est pas non plus folichon, mais ça reste quand même différent de la ligne habituelle, hein, au niveau de son discours. Là, la sortie de Marine Le Pen d'un côté, la sortie de Marion Maréchal, on a dû lui dire, bon, on va t'interroger là-dessus, tu fais ce qu'on te dit. Bah, clairement, elle, à mon avis, était menacée en interne. Et on est dans un climat, en plus, où vous voyez, il y a Éric Zemmour qui sort un nouveau livre, visiblement, qui marche très très fort, puisqu'il est passé devant Harry Potter. Mais ça fait toujours rigoler, Harry Potter, le succès d'Harry Potter, enfin, bon, peu importe. Il a réussi à passer devant Harry Potter avec son nouveau livre. Et alors, lui, il a un discours très différent. Alors, je sais bien qu'il n'est pas au Front National, je sais bien qu'il n'est pas militant, il est libre de sa parole. J'ai bien conscience que chaque mot est analysé, que les médias se mobilisent pour vous piéger, c'est bien évident. Mais enfin, comme je dis, il y a des déclarations qui engagent, et on est dans un climat où vous avez des gens comme Zemmour qui ont un énorme succès en ayant un discours extrêmement dur sur ces sujets-là. Puis à côté de ça, vous avez maintenant, bah, comme tu l'as dit, hein, Marine Maréchal qui était considérée comme l'aile droite du FN, où là maintenant, en fait, en gros, la position la plus dure, c'est de dire oui, certaines lectures de l'islam peuvent poser problème. Mais... il y a quelque chose qui relève de l'égarement, pour rester très courtois. On va faire une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission qui va être consacrée alors là, à un plan qui a été révélé, le plan d'accélération de la colonisation migratoire sur tout le territoire français. Vous en découvrirez tous les détails avec nous dans cette deuxième partie. Mais en attendant, pause musicale. Casse-toi. T'es une merde et t'es un sauvage. Derrière un grillage. Et si on en a marre de toi, c'est pour ça que tu retourneras là-bas. Casse-toi. Bosser, il faut du courage. Dans les caves, grâce ça qui couche ressort chaque fois. Je suis protégé par l'alicra. Casse-toi. J'ai le brave qui s'occupe de moi. Porte-toi de l'or. Je le dirai à mes PDA. Lâche-toi. Y'a plein de blancs qui pensent pas comme toi. Tu crois ça? Je baiserai ta femme, je squatterai chez toi. Non. De toute façon, je sais faire que ça. C'est comme ça. On vous envahit déjà. On sait ça. C'est pour ça que je te renvoie chez le bouquin. Et ta chance, t'as plus aucun droit. Et pourquoi? Parce que les nègres, si on n'en veut pas. Je ne crois pas. Tout ce que tu mérites, c'est une balle. T'as pas le droit. J'ai tous les droits, la loi, c'est moi. Oh là là. Tu pendras peut-être là-bas. Ça va pas. Mais je te bute si tu restes là. Non, je veux pas. Je ne vais pas te laisser le choix. Pourquoi pas? Pourquoi ce sera la table? Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission consacrée à notre débat de la semaine en quelque sorte. Je l'appelle débat, mais en fait, hein, c'est un sujet qu'on va traiter plus longuement que les autres. Et alors là, c'est relatif, et vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, c'est relatif à un plan gouvernemental révélé par Figaro d'ailleurs, révélant effectivement que 12 000 places devait être réservé pour les migrants dans tout l'Hexagone depuis cette énorme poche de pus migratoires qui ne cesse de croître dans la ville de Calais. On en a parlé dans une émission précédente avec une personne d'ailleurs qui vit à Calais. Et alors là, il y a un plan, hein, c'est très clair. Je vais rentrer dans les détails tout de suite. Donc c'est un plan qui a été révélé par Figaro. Et qui en fait fait état de consignes très précises envoyées au préfet par le gouvernement et qui leur demandent de prévoir l'hébergement de milliers, on parle de 12 000 dans un premier temps, de 12 000 migrants clandestins qui s'entassent donc dans la fameuse jungle de Calais afin de les accueillir. Hein. Alors, il y a seulement deux régions qui ont été épargnées a priori. C'est l'Île-de-France, en fait, qui déborde littéralement déjà. Et la Corse. Allez savoir pourquoi, chers amis. Alors, la fin de l'année 2016, les préfets ont pour ordre de réquisitionner tout ce qu'ils peuvent pour loger ces 12 000 migrants et ainsi, peut-être avant les élections de 2017, ne perdons pas de vue, de pouvoir vider cette fameuse jungle de Calais, alors que dans le même temps, et on l'avait dit dans une émission précédente, le nombre ne cesse de grandir. Puisque en fait ça je veux dire, tout le tiers monde qui migre là pour le coup non pas pour se rendre en Allemagne mais pour atteindre l'Angleterre se retrouve dans ce goulot d'étranglement qu'est Calais et en fait ils ont beau en loger à droite à gauche et ils le font déjà le nombre ne cesse de croître hein, littéralement maintenant il y a une ville à Calais je crois qu'on est aux alentours de 10 000 on est à 10 000 personnes qui vivent dans cette fameuse jungle de Calais, donc qui est une ville aux abords de la ville, littéralement, et qui pourrait atteindre, allez savoir, dans 6 mois, 15 000 personnes. Alors là, c'est le grand ménage. Et donc, ce plan secret pour dispatcher dans les villes, villages de France profonde, généralement, a été donc publié. Enfin, les détails en ont été révélés. Et ça donne le vertige parce qu'en fait c'est qu'un début en réalité. Est-ce que je veux vos réactions là-dessus le début d'un plan de colonisation littéralement du territoire français qui avait été annoncé par Raffarin si vous en rappelez hein, l'ancien premier ministre qui avait dit que justement il fallait dispatcher les migrants dans les campagnes de France parce que non seulement il y avait de la place mais en plus disait cet heureux propriétaire d'un manoir, hein, il en parle peu, allait redynamiser les villages en voie de désertification. Oui, il avait dit ça notamment au sujet de Loudun, qui est pas très loin de Poitiers, petite commune que j'ai fréquentée, qui était fort paisible globalement, mais qui sans doute s'est vue encore enrichie de Soudanais et autres individus. J'ai envie de citer tout ça. De laisser le maître Jean-François Touzé qui a dit: quel est le trou noir du film de Kubrick qui absorbe la matière migratoire et la recrache dans l'espace-temps français où elle essaime? Je trouvais que c'est assez fascinant comme citation. Non, c'est bien écrit, ouais, c'est terrifiant en même temps. Alors donc, par exemple, Derek, je crois que le moment est venu où le gouvernement français a décidé d'appliquer son programme de ventilation. Voilà, après les grandes migrations, voici venue la grande ventilation. Donc ils viennent pas du sud cette fois-ci, ils partent du nord, hein, parce qu'ils sont à Calais. Oui. Alors moi, je suis quand même déçu. Hein. J'attendais à une jolie, un bon contingent, en tout cas, un bon contingent de migrants, de Soudanais, d'Érythréens et compagnie. J'en attendais un petit peu en Corse, hein, pour faire vivre ensemble. Pour dynamiser le vivre ensemble. Oui, dynamité. Et dynamité. Je sais pas, à vous de voir, mais voilà, ça m'aurait bien plu. Je trouve que c'est assez discriminatoire. Quand tu même, trouves que le gouvernement socialiste manque d'ambition et de courage, quelque part. Ah, je trouve que le gouvernement socialiste a fait caca culotte, oui. Caca culotte. Alors, mais est-ce que ça serait dû aux violences, on appelle ça comme ça, violences de Cisco? D'ailleurs, le procès a eu lieu, là. Hein. Ouais, procès a eu lieu, je crois, 30 mois de prison. Pour les, bon, on va résumer. Les Corses, ouais, ont eu du sursis et les Arabes ont eu de la ferme. Voilà, voilà. Ah bon, allez savoir pourquoi. Bon, le FLNC a menacé ça. Enfin bon, bref, visiblement, et ça, c'est peut-être une leçon qu'il faut retenir. Moi, je constate, hein, je me dis, c'est peut-être une leçon qu'il faut retenir. Comment ne pas se dire que peut-être que nos amis corses qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pas aussi, bah, par leur détermination, visiblement, ont dissuadé le gouvernement français de vouloir leur imposer. Nos futures montagnes, hein, parce que c'est des futures montagnes quand même. Et, pour reprendre un petit peu ce que les paroles habituelles de nos chers amis du Parti Socialiste, ça serait presque ouvertement un appel à la haine et à la violence, hein, de procéder de la sorte. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Oui, effectivement, Manuel Valls appelle au pogrom, je crois qu'on peut le dire, en refusant de mettre des migrants en Corse. Il valide une politique entreprise par les Corses eux-mêmes. Bon, ça laisse peut-être songeur, je ne sais pas, ça va peut-être en inspirer d'autres. Parce que il y a quelque chose qu'on ne dit pas, on parlait de l'Allemagne dans la première partie de l'émission, mais en fait en Allemagne et en Suède, il y a énormément de centres pour clandestins qui ont été incendiés. Hein. C'est tout à fait significatif, hein, ce qui s'est passé là-bas. Et en France, est-ce qu'on a un exemple? Je crois qu'il y en a eu un cas là, la semaine dernière. Ah oui, tout récemment. Là, tout récemment, voilà. Un malheureux incident. Oui, comment s'appelle cette commune? J'ai oublié le nom de cette commune. Où, on l'avait évoqué dans la dernière émission. Où justement, il y a le préfet ou la sous-préfète qui est présente, les politiciens. Et en gros, ils disent, de toute façon, si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous aurez des migrants. Et c'était vraiment, c'était sur un ton très, très autoritaire. Okay, malheureusement, oui, la population. C'était dans l'Essonne, là, hein, que ça a été. Ouais, dans l'Essonne, voilà. Et visiblement, ouais, alors je sais pas ce que. Enfin, ouais, donc elle avait dit que ça vous plaise ou non, ben, faut croire que c'était le ou non qui a gagné. Ouais, c'est ça, oui. Que ça vous plaise ou non, ça nous plaît pas. Et comment dire, visiblement pas la Corse. Ventilation. Alors, il y a plein de cas comme ça, et tous ceux qui nous écoutent ont forcément un cas près de chez eux, dans une commune pas trop éloignée. On a même des cas de châteaux. Hein. Moi, j'ai vu des châteaux réquisitionnés pour loger des nègres. Hein. C'est quand même, les types sont logés comme jamais un ouvrier français sera logé aux frais de la princesse, complètement surréaliste. Donc, tous ceux qui nous écoutent ont pas loin de chez eux, dans leur département, un centre qui ouvre, tout ça téléguidé par le gouvernement français, avec des préfets. Moi, j'ai toujours dit que les préfets, c'était scandaleux qu'ils soient pas élus, parce qu'ils ne rendent pas de compte. Ils ne rendent compte que au gouvernement central. Donc, les types font ce qu'ils veulent. Ils vous disent, de toute façon, que ça vous plaise ou pas, c'est le même tarif. Ils ne rendent pas de compte de leur politique. Et ils font ça en loose day en plus, parce que j'ai des exemples très concrets où les préfets démarchent des associations généralement subventionnées. C'est-à-dire que c'est des associations qui vivent en fait des crédits de l'État, qui font autre chose, d'ailleurs qui font souvent des trucs sociaux. Et en fait, ils vont les voir, et leur dire, est-ce que vous n'avez pas un bâtiment, machin, etc. Et alors, souvent, une association peut, à la faveur d'un déménagement ou que sais-je, avoir des murs à disposition. et les offrir gracieusement à la préfecture. De toute façon, ils n'ont pas le choix puisqu'ils dépendent des crédits publics. Et comme ça, en douce, on loge 30, 40 clandestins du tiers-monde. J'ai des cas comme ça en Bretagne, je dans la presse, mais il y en a aussi partout dans d'autres régions. Mais sauf que jusqu'à présent, c'était pas admis. Enfin, il y avait le gouvernement central ne disait pas c'est une politique. C'est pas une politique coordonnée, planifiée sur tout le territoire. C'était un peu du coup par coup. Là maintenant, c'est clair. C'est une politique générale assumée. Voilà. Ouais, là c'est pour les petites associations, c'est local. Mais le gros de l'immobilier, hein, on va dire ça comme ça, le gros de l'immobilier destiné à accueillir les migrants, ça reste les centres de vacances EDF, quoi. Donc, tu sais, le CE de la CGT, tu vois, le CE d'EDF, c'est juste quelque chose d'énorme, quoi. Le budget de la ville de Rennes. Budget de la ville de Rennes, c'est la machine à blanchir tout le pognon, quoi. Amis communistes, notamment de la CGT. Voilà, déjà, donc remercions nos amis communistes, hein, qui possèdent. Travail dur toute l'année. Tous ces châteaux, d'ailleurs, ouais, Patreon chez moi, ils ont un château en bord de mer. Enfin bref, c'est juste affolant, quoi. Et donc voilà, donc là vous avez des belles bâtisses qui sont destinées à accueillir les enfants de communistes. Oui, les enfants de communistes. Ben là pour le coup, les enfants de communistes se sont fait remplacer par les enfants soudanais. On sait, vois, je veux dire, à force de balancer du poison dans la flotte, au bout d'un moment, tu finis par empoisonner tes gamins aussi. Hein, c'est que juste retour des choses après, enfin, juste retour pour eux qui pourront peut-être pas aller en vacances. Par contre, les communes dans lesquelles sont ces centres-là, ils n'ont pas forcément demandé à se recevoir des tombereaux de nègres sur la gueule. Tu m'étonnes. Vous avez des exemples comme ça? Alors, comme vous le savez, c'est un Belge. C'est un camarade belge, mais on parle de Calais, et Calais, bah, évidemment, c'est à côté de la Belgique. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas où vous avez eu cette énorme zone, enfin, je veux dire, c'est horrible, c'est un bidonville, c'est une favela brésilienne. Est-ce que cette énorme poche de pu a dégouliné en Belgique? Oui, mais je vais vous parler un petit peu de ça, mais avant de commencer ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Moi, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas trouvé d'informations dans ce sens, mais rappelez-vous, juste avant que ne soit... que le gouvernement français ne se décide à envoyer des migrants un peu partout en France, des migrants de Calais. Rappelez-vous, le gouvernement anglais avait annoncé qu'il allait construire un mur d'un kilomètre de long et de 4 mètres de haut dans la grande cour de la rocade de Calais pour empêcher les migrants de gêner le passage des transports et des véhicules vers l'embarquement, évidemment. Je me demande si la réaction du gouvernement français face à cette ingérence amicale du gouvernement britannique n'a pas influencé la désintégration des camps de migrants de Calais. Si, il y a quelque chose, parce qu'en plus là, avec l'histoire du Brexit et tout, il faut bien comprendre qu'on va être dans une phase de négociation pendant plusieurs années extrêmement tendue entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, dont la France. Et que ce genre d'éléments deviennent des leviers pour faire pression. Ça, il faut pas se le cacher, quoi. Et à mon avis, parce qu'évidemment, on parle du Brexit, donc on parle tout ce qui est relatif aux frontières, etc. À mon avis, les Anglais, ils vont envoyer quelques messages, parce que même là, je crois que la maire de Calais l'a dit, je crois que Xavier Bertrand, qui est le président de la région, de la nouvelle région qui a été constituée dans le nord de la France, l'a dit aussi. Il a dit en gros, bon, bah maintenant qu'ils ont fait le Brexit, on a qu'à leur envoyer tout ça, voilà, ils veulent y aller, pourquoi on les enverrait pas, etc. Donc, je pense qu'effectivement, les Britanniques ont l'air de... Enfin, ça chauffe, quoi. Ça chauffe entre la France et la Grande-Bretagne. Probablement, d'ailleurs, à coup de câbles diplomatiques et autres rencontres derrière des portes fermées. Mais à mon avis, ça doit chauffer, quoi. Et donc, en Belgique, vous n'avez pas eu ces flots-là de migrants de Calais qui ont tenté leur chance. Parce que j'ai vu à un moment donné qu'en Belgique, ils redoutaient que les migrants décident de quitter Calais pour s'orienter vers d'autres ports, d'autres grands ports belges, estimant que peut-être ils avaient plus de chance. Quoi. Oui, effectivement. Effectivement, il y a eu, il y a quelques mois, ça devait être au printemps par là, un débordement de l'Afrique et du Moyen-Orient au-delà de la frontière belge. Et ça a tout de suite inquiété les autorités locales, les bourgmestres, donc les maires, quoi, hein, qui ont appelé l'État au secours, disant « Eh, ça va pas, bon, il faut faire quelque chose ». Et effectivement, ils ont fait quelque chose. Ce n'était pas très visible d'après ce que j'ai pu constater, mais on a quand même mis des forces de l'ordre là-bas, et sans doute des militaires aussi, de façon à limiter, ou en tout cas à empêcher le passage. Depuis, on n'en parle plus, ce qui me fait penser que ça a dû fonctionner, sans plus de certitude. Et apparemment, il n'y a plus de plaintes qui viennent de la côte. Il faut savoir que la côte belge, elle est pratiquement habitée tout le long. Il y a des petits creux, mais ce sont des villages, des hameaux, mais qui se touchent pratiquement tous. Quelques villes, quelques petites villes, et puis voilà. Il n'y a que des petits ports. Hein. Anvers, par exemple, n'est pas sur la côte, hein. Il est sur les Scots, donc à l'intérieur des terres. Mais il y a évidemment des moyens pour ces Africains et tous ces nègres et tous ces types de toutes les couleurs et de toutes les cultures. Il y a évidemment des moyens, espère-t-il, de passer. Mais apparemment, ce serait réglé. Mais je ne peux guère en dire plus. J'ai vu que les Africains c'est ça, la nage dans la Manche maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. On retrouve comme ça des crevettes toutes noires sur la plage. Voilà, ils tentent leur truc. Bon, ils savent pas nager en plus à la base parce que évidemment la mer au Soudan. Bon, mais bon, ça marche pas. Hein. Enfin, ils essayent quand même. Bon. Ils ont dû voir le film de Vincent Lindon qui aidait un requérant à l'asile irakien à passer. Ah oui, à ce film avait d'ailleurs. Ça avait été encensé par la critique. Ah oui, par la critique. Dans les milieux parisiens, alors c'était un chef-d'œuvre. Hein. Ah oui. Vincent Lannon, d'ailleurs, qui est auvergnat. Ah non, je crois qu'il est juif. Ah, excusez-moi. Ah, j'ignorais. Il y a une question qu'on devrait se poser aussi, c'est on place les migrants dans des châteaux, etc., dans les villages, mais est-ce que ça va leur plaire? Hein, est-ce qu'au bout d'un moment ils vont pas trouver ça un peu ennuyeux et qu'ils n'auront pas envie d'aller ailleurs? Moi je trouve ça, il faudrait les laisser choisir davantage, hein, et leur offrir peut-être au cœur des centres-villes les plus beaux quartiers, enfin. Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Bah, chez Bernard-Henri Lévy, on aurait y songé. Bernard, si tu nous écoutes, j'en doute, mais bon, si tu nous écoutes, pense aux migrants qui sont en difficulté et qui veulent un geste, qui est de fraternité. Alors, deuxième point, chers amis, toujours, hein, bien sûr, sur ce projet machiavélique de destruction, clairement, hein, de la France comme peuple de souche européenne, pour créer ce projet dont nous avait parlé Jacques Attali, parce que je me souviens, il était intervenu comme ça dans un média une fois, et il avait on lui avait demandé, bon, alors, allez, entre nous. Dites-nous, c'est quoi le truc? Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce qu'il faut faire et d'après vous? Alors là, Jacques Attali, bon, évidemment, il faut pas lui dire deux fois, quoi. Et il avait dit, bon, écoutez, moi, c'est très simple, je pense que là, dans le siècle, là, il faut à peu près qu'il y ait une France qui soit à 50% d'origine française et à 50% d'origine étrangère. Et je pense que dans les villes, ça doit être deux tiers contre un tiers. C'est-à-dire deux tiers d'étrangers, un tiers de personnes de souche. Tranquillement, hein, voilà. Donc, si vous vous interrogez de savoir vers quoi on va, bah voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est 50-50, et deux tiers dans les grandes villes. Alors, toutes consacrées à cet effort de restructuration de la France moisie, errance d'antan, hein, la France qui ne supporte plus, hein, si vous êtes des êtres normaux, eh bien, le gouvernement a nommé un préfet, décidément, qui est en charge de superviser, d'organiser cette implantation coloniale au cœur de la France profonde, hein, d'implanter les racines putrides de l'Afrique au cœur de la France gauloise. Il s'appelle Kléber Haroul, ce monsieur. Il est chargé d'organiser l'accueil des migrants par les différentes villes et collectivités locales qui se sont dites disponibles ces derniers jours, selon une déclaration de Bernard Cazeneuve, Fondation du Grand Orient, faut-il le rappeler. Alors ce Kléber Haroul, d'après vous, il a une qualité particulière. Quelle est-elle, d'après vous? Alors déjà, bon, il est préfet. Moi, il me semblait que les préfets s'étaient rattachés à une zone bien particulière. Alors, Non, ils peuvent. Non, ils peuvent avoir des affectations. Des affections aussi, je peux dire. Oui, ils peuvent avoir une tâche particulière à remplir. Ah oui, une tâche, effectivement. Le terme mission, est... quoi. Oui, non, mais là, effectivement, c'est faire répandre la tâche. La tâche bien noire. Hein, peau de léopard. Hein, peau de léopard. Voilà, ouais. Voilà. Donc, de alors, il a une qualité, laquelle est-elle? Alors, c'est un basané. Hein, c'est un basané. Mais il est, je veux dire, en plus, lui, c'est pas un nègre. Il est. Je sais pas qui. C'est bizarre, lui. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas, ils ont dû le trouver à Pondichéry par là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Là, sur un comptoir, là, il traînait dans le coin, et hop, allez, viens par ici. Là. Voilà, c'est ça, ouais. C'est... Alors, c'est une réussite, évidemment, du mérite républicain, faut quand même souligner. Bah oui, Kléber, donc, Kléber, quand même, hein, comme prénom. Hein. Ouais, je ne veux même pas fouiller dans sa biographie. Parce que... Le génie français. Oui, alors ça, c'est une réalisation française 100% garantie. Alors, s'il vient pas de La Réunion, il vient de Pondichéry. S'il vient pas de Pondichéry, il vient de la Guyane. Comme Christian Taubira aussi, le grand phare d'intelligence française, Christian Taubira. Alors, ce monsieur, donc, est préposé à la destruction raciale du peuple français. C'est extraordinaire. Et c'est lui qui va semer, donc, ces germes près de chez vous, chers amis qui nous écoutez. Alors, ils ont rassuré les gens, hein. Ils ont dit c'est au prorata des efforts déjà fournis. J'aime bien le mot effort, donc ça veut dire déjà que tu vois que c'est un truc que tu prends sur toi quand même. Il dit pas, ouais, il parle de vivre ensemble, mais enfin en gros, il dit ouais, c'est quand même un fardeau quoi. Et alors ce monsieur doit superviser l'implantation de centaines et de centaines de migrants depuis Calais dans les différentes régions, collectivités locales, etc. Mais on est d'accord que en fait, parce qu'ils disent on va vider Calais, mais Calais n'ayant de cesse de se remplir. C'est qu'un début, en fait. C'est clair, enfin, je sais pas votre sentiment, mais moi, j'ai le sentiment que c'est le début du programme, quoi. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Je pense que, oui, il n'y a pas de prévision à court terme et moyen terme de rétablir l'arrestation des clandestins qui sont des immigrés illégaux. Ouais, on les voit encore, là, par chez nous... maintenant ils passent par la montagne, hein, tu sais, ils passent par le alpinisme. Donc ils font tout. Non mais c'est des gens aidés très par les par les crétins alpins qui les font passer. Voilà, tu arrives. Les crétins des Alpes. Oui, je suis allé récemment dans un petit village perché dans la montagne. Tu arrives à l'entrée du village, tu as le panneau, voilà, tu as le panneau avec l'entrée, donc le nom du village. Puis en face, c'est un grand mur en béton. Bienvenue aux migrants. Tu vois. Oh non, sans déconner. Ah ouais. Et donc c'est par là qu'ils les font passer, tu vois. Ils en ont arrêté un qui en avait fait passer neuf. Bon, j'en avais parlé la dernière fois. Hein. Mais et ce type-là, donc, il avait été arrêté. Il avait dit que ouais, j'en ai déjà fait passer 200, libéré, rien du tout. Donc, voilà. Donc, ça va. Ah ouais, alors mais là tu donc, vois. Là, justement, on est dans le. Donc dans le saut de migrants, Le seau de poing n'est pas prêt de se vider, il va se remplir et puis il va aller à Calais, puis après il va se dispatcher un petit peu partout. Voilà, la machine est lancée, ça tourne bien, c'est une mécanique bien huilée. Et là, tu vois vraiment l'action délétère des magistrats d'extrême gauche et autres socialistes qui s'acharnent à défendre les activistes No Border et autres qui font passer toute cette lie. C'est absolument incroyable, hein. Je veux dire, c'est au vu au sud de tout le monde. Et d'ailleurs, tu parlais d'immigration clandestine, il faut savoir un truc, c'est justement, il y a eu une espèce de petit imbroglio dans le nord, à Calais, quoi. Un imbroglio, je sais plus pourquoi et tout. Et le gouvernement a sorti une circulaire, tu vois, et en fait, ils expliquent, en gros, ils disent que le concept juridique de migrants clandestins n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une directive assez complexe. Mais en fait, quand tu fais le bilan, ça te dit en gros, c'est migrant clandestin, ça ne veut rien dire. Un migrant est a priori accueilli, point barre. Voilà où on en est. Donc en fait, si tu veux, imaginez en quelques années où on en est arrivé. C'est-à-dire, on est passé de, alors qu'il y avait déjà l'immigration légale, etc. Maintenant, c'est carrément le migrant clandestin qui se fait attraper. Il n'est pas clandestin. Oui. C'est là qu'on en est en France. C'est le monde est un hôtel, disait Jacques Attali, mais on allait même au-delà, parce que ça va être le monde est un hôtel, mais au frais de l'hôtelier. Oui, c'est ça, oui. Oui, oh, c'est terrible, terrible, terrible. Ah, mais j'ignorais totalement que dans les Alpes, il y avait des villages comme ça. Mais attention, parce que ça, c'est suspect. Hein. Il y a fort à parier que le type touche de l'argent. Non, parce qu'attention, les mecs au grand cœur, ouais, bon, je veux bien. Non, pas du tout, c'est absolument pas suspect. T'es sûr? C'est pas pour rien que déjà tu te promènes dans les petites rues, d'un coup tu te tombes sur le machin au bouddhisme tibétain, tu vois, tu sais pas ce que ça fout là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, non, mais dans les Alpes, c'est ça, quoi. En tout cas, les basses Alpes, hein. Et c'est pas pour rien que c'est là que tu as le fameux mandarome, quoi, tu vois, avec la statue de Gilbert Baudin. Oui. Tu vois, ils sont un petit peu hippies sur les bords, hein, dans ces coins-là. Donc, non, c'est pas étonnant. C'est pas nouveau en plus, hein, ça date. D'accord, d'accord. Moi, je suis pas familier du secteur. Il manque d'oxygène là-bas ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ils ont pas assez de monde autour d'eux, je pense. Ils doivent se dire, voilà, il y a de la place. Faisons venir des nègres. Non, d'accord. Mais c'est ça. C'est clairement ça. Ah bah, je vois que ça comme explication. Parce que, bon, à part ça, les mecs sont très sympas, tout ce que tu veux. Mais bon, ils sont... ils sont un peu cons, quoi. Ouais, voilà. Ils manquent que d'iode. Ouais, ils manquent que d'iode, exactement. Alors, face à cette situation, parce que quand même, ne perdons pas de vue quand même quand on est face à des êtres humains, et à une crise humanitaire extrêmement sévère, et que nous tous, enfin, on a le cœur sur la main, et évidemment, bon, on se permet des petites blagues comme ça, mais... On ne perd pas de vue que nous avons d'abord affaire à des êtres humains et à des frères en humanité. Et sur ces entrefaites, le Secours catholique s'est insurgé, à raison, en appelant à nos consciences. Et c'est dans la presse, et je m'en vais vous citer cette déclaration du Secours catholique, donc à propos du projet de répartition des migrants de Calais partout dans l'Hexagone. Le Secours catholique a dénoncé des réactions politiques et une polémique indigne, qui font appel, donc les réactions en question, aux sentiments les plus bas, hein, de l'homme. Là, je cite le communiqué du Secours catholique. Des maires, des présidents de région incitent les élus locaux et la population à s'opposer par tous les moyens à la création de ces centres d'accueil. Ils font appel aux sentiments les plus bas pour susciter la peur, le rejet, le repli, le refus de ceux qui fuient la guerre et qui vont de temps en temps en vacances chez eux, et la violence de leur pays. Et ensuite, ils ont exprimé leur indignation et ils ont appelé à plus d'hospitalité et de solidarité. Et d'ailleurs, ils ont aussi incité les communautés chrétiennes, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, à renforcer leur politique d'accueil. Alors, qu'est-ce que vous en dites, là, de cette position, là, c'est un petit peu l'occasion, de cette position de cette organisation, bon, d'extrême-gauche, il faut clairement dire, le Secours catholique est une organisation tenue par l'extrême-gauche, alors extrême-gauche catholique, entre guillemets, l'invasion totale de la France, quoi. Hein. Qu'est-ce que ça vous dit, là, tous ces évêques, ces organisations catholiques et tout, là, le pape? Ouais, le pape, bon, en France, c'est Secours catholique. En Italie, il y a pas mal Caritas qui fait... C'est pareil, hein, Secours catholique, Caritas, c'est le même truc. Voilà, donc alphabétisation et compagnie. D'ailleurs, bon, ça a été... Comme en Afrique, quoi, en gros, c'est des trucs d'alphabétisation comme en Afrique, mais en Italie ou en France, quoi. Moi, je sais que, cas personnel, ça avait été... comment dire, tous ces trucs-là avaient été repris par les maoïstes il y a une quarantaine d'années. Donc c'est... Voilà, c'est ça. On sait déjà que c'est foutu. Bon, que ça n'ait pas bougé depuis, oui, bah, écoute, il n'y a qu'à voir. Je vais pas faire de la christianophobie primaire, parce que bon, c'est peut-être pas le lieu. Non, mais attention, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer, c'est d'en parler, c'est de dire que c'est une subversion qui a eu lieu dans les années 60 et 70 par des militants communistes et par, en fait, ce qu'on a appelé je veux dire, les tenants marxisants de l'Église catholique, qu'on a retrouvé d'ailleurs en Amérique du Sud avec la théologie de la libération, donc des hérésies marxisantes et socialisantes, soutenues d'ailleurs par le KGB à l'époque pour subvertir l'Église catholique, qui était une énorme puissance sociale en Amérique du Sud et ailleurs, ça a marché. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, d'ailleurs, Bergoglio est un évêque qui a fricoté, hein, aux marges, mais qui a fricoté quand même avec des gens comme ça. Ça a marché très très bien, et aujourd'hui, on n'a pas affaire à une église catholique. Il y a très longtemps qu'ils ont arrêté d'être catholiques et d'être chrétiens. Ce sont des militants socialistes, ou marxistes, pour les plus durs. Et ils sont en train de défendre la conquête par l'islam de l'Occident et de la France, en l'occurrence. Et ce rôle est extrêmement pervers, parce qu'évidemment, ces structures catholiques qui font appel à la charité, etc., donc comme le loup désigné en agneau, déguisé en agneau, touchent encore beaucoup de catholiques, notamment chez les personnes les plus âgées. Et ils disent, ouais, vous comprenez, il faut donner, il faut être un bon chrétien, etc. Et puis les gens, ils donnent, vous savez, ils ne sont pas très critiques, ils ne sont pas non plus dans les détails, ils donnent du pognon, alors qu'en fait, ils sont en train de donner de l'argent à des structures subversives qui visent à la destruction précisément de l'Occident chrétien. La défense de l'invasion musulmane, du pape jusqu'à ses militants sur le terrain, et détruire à son épicentre l'Occident chrétien. On est quand même dans la France de Saint-Louis. Hein. C'est-à-dire, est-ce que Saint-Louis, mort en croisade, est-ce que vous croyez qu'il aura organisé lui-même la colonisation de l'Europe par les musulmans? Il faut arrêter sous l'œil du monde. Quoi. Et ça, c'est vraiment tous les jours dans les pays d'Europe. Le rôle pervers de l'Église catholique subvertie. Oui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Petite remarque là-dessus, c'est que oui, quand on regarde les anciennes, les légendes, les textes anciens, etc., les gens se réclament du christianisme, ils réclament leur foi, ils déclament leur foi en Christ, mais en même temps, ils se sentent appartenir à un peuple, à un village, à une région, etc. Ils se revendiquent en tant que peuple. Alors là, la notion de peuple est totalement éludée. Et oui, tu as parlé des croisades qui sont un exemple d'opposition nette avec d'autres religions ou d'autres civilisations, mais il faut aussi dire que, tout simplement, enfin, la solidarité, pourquoi pas, mais il faut un minimum de réciprocité. Alors, on sait très bien qu'il n'y aura pas du tout de réciprocité et que c'est une catastrophe. Non, mais si on s'intéresse, là on va parler un petit peu théologie, mais saint Thomas d'Aquin a très bien parlé. Docteur de l'Église, attention, c'est saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, qui explique le fonctionnement, si je puis m'exprimer ainsi, de la charité. Et il explique que ça marche, par proximité. C'est-à-dire que si vous préférez l'étranger à votre proche, si vous créez une situation où votre proche va subir un tort mécaniquement, ou si des politiques mettent en place une politique précisément qui va nuire aux gens qui sont censés défendre au profit de l'étranger, il manque de charité. La préférence pour l'étranger au détriment du proche est anti-chrétien par définition. Et cet amour pour l'exotisme, etc., n'a rien à voir avec le christianisme, absolument rien. C'est une obligation d'être. Il y a un ordre dans la charité, aussi bien vis-à-vis de soi que vis-à-vis d'autrui. Et ça fonctionne un peu comme les poupées russes. C'est-à-dire qu'au bout du bout du bout du bout, si votre pays est prospère, etc., qu'il est bien ordonné, que tout se passe bien, vous pouvez peut-être imaginer, voir si vous reste un petit peu d'énergie, vous pouvez peut-être essayer de contribuer au bien, dans un pays X ou Y. Mais à aucun moment, l'encouragement à la destruction de son propre pays par une immigration qui objectivement nuit et déstructure n'est encouragé par la doctrine chrétienne traditionnelle. C'est absolument faux. Et là, on voit la subversion qui est en cours. Mais le problème, c'est ce terme catholique, vous voyez. Et c'est très destructeur, je pense. Non, mais ça, parce que bon... avec le mot catholique, on fait ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, vous comprenez, il faut être gentil, mais gentil avec quoi? Avec des violeurs algériens? Gentil avec des gens qui, des djihadistes qui passent dans les flots de migrants. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle des. Ça, c'est pour les catholiques. Hein, effectivement, donc, c'est quand tu regardes effectivement dans les textes, c'est pas très propre tout ce qu'ils font actuellement. On pourrait en dire tout autant de ceux qui se réclament des Lumières, quoi, hein. On se rappelle de ce que disait Rousseau sur les cosmopolites, hein, voilà, qui disait aimer les C'est Voltaire, tartares. Le disait. Je crois que c'est Voltaire. Quelqu'un Je me corrigera, mais je crois que c'est Voltaire. crois que Ah non, c'est c'est peut-être Rousseau, je Rousseau. sais Je plus. crois que c'est Rousseau, hein, mais donc Autant pour moi. ouais, donc tel philosophe, il aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Ouais, donc voilà, c'est la logique nucléaire, quoi, hein, effectivement. Et ça, c'est partout. Le cosmopolitisme s'est insinué absolument partout. Et l'Église catholique n'en a pas fait, ouais, n'y a pas échappé. Hein. Là, en plus, il faut y insister. Alexis aime bien parler de George Soros, mais faut bien comprendre le côté pervers de la mécanique qui est mise en place par les élites dirigeantes. Faut bien savoir une chose. Quand on parle de, parce que quand vous regardez, quand vous êtes quelqu'un qui appartient à la grande finance internationale, comme George Soros, milliardaire, spéculateur américain, hongrois, avec beaucoup de guillemets, Clinton. Quand vous êtes en train de financer tantôt les frères musulmans comme le CCIF, tantôt les marxistes de la Ligue des droits de l'homme, en France, je parle uniquement de la France, puisqu'il a financé des tas d'autres trucs, des coups d'État, etc. Quand vous êtes là-dedans, et que soudainement, vous dites, comment je peux faire pour mettre en place une certaine politique? Et vous regardez l'Église catholique, vous dites, mais c'est un réseau extraordinaire, c'est-à-dire c'est mondial, c'est une structure centralisée, c'est-à-dire si j'arrive à toucher la tête. L'impact est immédiat au niveau global, et il y a plein d'associations, etc. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de réseau d'influence. Du coup, ce que je voulais simplement dire là-dessus, c'est que il faut bien préciser une chose, c'est que Soros et quelqu'un comme l'ancien membre de la Goldman Sachs, qui s'appelle Sutherland, Peter Sutherland, qui est aussi un ancien commissaire européen à la concurrence, qui a été bombardé conseiller spécial pour les migrations à l'ONU, et quelqu'un qui se revendique proche du pape. C'est quelqu'un qui martèle tous les jours pour accueillir je ne sais pas combien de millions de migrants en Europe. C'est pas du tout quelqu'un de c'est pas quelqu'un de minoritaire, hein. Enfin c'est pas quelqu'un de marginal, je veux dire. C'est quelqu'un qui joue un rôle, quoi. Et quand ces gens-là sont relayés entre autres au plan français par des gens par des gens comme Pierre Gattaz pour le MEDEF, le grand patronat, qui disent on a besoin de migrants, etc. Relayés par Laurence Parisot, l'ancienne présidente, etc. Il y a une politique qui est en place. C'est-à-dire qu'il y a un projet. Et ils utilisent des idiots utiles, notamment ces organisations qui sont des faux-nés, pour mettre en place cette politique. Et c'est ce qui est terrible, et c'est le point sur lequel je veux conclure, c'est d'utiliser une rhétorique humanitaire pour mettre en place une politique qui est cynique. Enfin, qui ne va uniquement profiter qu'à la grande finance internationale, parce qu'en fait derrière ça, comme ils le disent eux-mêmes, hein, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de comment dirais-je, d'alimenter les systèmes sociaux en argent, etc. On a besoin de bras, Je donc on suis n'a pas même pas besoin, quoi. certain que ce soit pour la main-d'œuvre. Hein. On l'a vu un petit peu tout à l'heure pour l'Allemagne. C'est vraiment pour avoir des sociétés profondément divisées et Aussi, ouais, aussi. dans des proportions telles que tu as juste à appuyer sur un bouton ou un autre. Voilà, tu vas faire un peu chez les catholiques, un peu chez les musulmans, un peu chez les athées, etc., etc. Donc au final, tu arrives à avoir le pouvoir. C'est même pas une histoire de pognon en tant que tel, hein. C'est vraiment une histoire de pouvoir. Je pense, en fait, il faut pas oublier que ce sont des gens qui évoluent dans des réalités statistiques, hein. C'est des gens qui se disent, parce qu'ils sont profondément antiracistes, hein, ça faut pas l'oublier, ils sont profondément égalitaristes. C'est des gens qui pensent que un Soudanais, ça vaut un Allemand, hein. Ils pensent que le taux de productivité elle-même, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, enfin, Je pense pas qu'ils pas pensent parmi ça. les Hein. grands fers de lance, les grands fers de lance de cette politique-là, ceux qui tirent les ficelles, sans être ultra-complotistes, hein, c'est les gens qui ont avoué clairement leur vision du monde. Je suis pas persuadé que l'égalitarisme total, l'égalitarisme, c'est bon Bah pas pour pour les eux. autres, disons. Oui, c'est ça, Oui, bien à sûr. leur profit, Bah à leur non, pas profit. pour eux, bien sûr. Évidemment. Mais bon, réflexion ouverte. Bon, chers amis, je crois qu'on va conclure cette émission. J'espère que ça vous aura intéressé et que, comme vous avez vu, le ton est libre, très libre et démocratique. Parce qu'après tout, le projet final, c'est la démocratie universelle, tolérante et cosmopolite. Hein. Je pense que nos auditeurs l'auront bien compris. À bientôt, chers amis. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée.